réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible en ce mardi 22 décembre. Et cette semaine, c'est une semaine spéciale fête sur France Culture. On parle des super-héros et des super-héroïnes de fiction ou pas, d'hier et d'aujourd'hui et même des super-héros qu'on imagine pour le monde de demain. Depuis hier, nous sommes avec l'universitaire Alexis Blanchet, spécialiste des jeux vidéo, pour une série consacrée spécialement aux super-héros dans le jeu vidéo. Bonjour Alexis Blanchet. Bonjour. Hier, on a beaucoup parlé avec Erwan Cario et vous-même de Lara Croft. Aujourd'hui, on parlera de Super Mario. Et en deuxième partie, je recevrai Jean-Jacques Lenier, qui est le commissaire de l'exposition qui a lieu en ce moment, L'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française, une expo donc qui a lieu en ce moment et jusqu'à mars 2016 au musée Art Ludique à Paris. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities. Les super-héros dans les jeux vidéo avec Alexis Blanchet, deuxième épisode. On va parler d'un héros qui ne ressemble pas à Corto Maltese, qui ne ressemble pas à Fifi Brin d'Acier, ni au pied une clé. Super Mario, qui est-il ? Ah, Super Mario, c'est une sorte d'accident heureux. Et Super Mario doit sa naissance à ce qui ressemble à un sauvetage industriel. Nintendo est une compagnie japonaise qui souhaite s'implanter aux États-Unis dans le domaine de l'arcade et qui va y importer un certain nombre de bornes d'un jeu qui s'appelle Radarscope. Et ces jeux vont arriver avec quelques mois de retard dans un secteur qui évolue de mois en mois d'une certaine façon. Donc les bornes de Nintendo, quand elles arrivent pour leur exploitation aux États-Unis, elles sont dépassées et Nintendo va essayer de trouver un jeu pour changer le jeu de ses bornes, les habiller avec un nouvel habillage. Et on demande à deux ingénieurs de Nintendo, Gunpei Yokoi et Shigeru Miyamoto, de penser à un jeu qui soit adapté pour le territoire américain. Mario, il faut le comprendre peut-être comme le descendant de Popeye. Pourquoi ? Parce que le jeu qui va être imaginé dans un premier temps, c'est une adaptation de Popeye. Nintendo travaille avec des ayants droit américains depuis les années 50, Disney par exemple, et également King Features Syndicate, qui possède les droits du personnage de Sega qui est Popeye. Et le jeu va le développement du jeu va commencer sur une adaptation de Popeye avec un triangle amoureux, Popeye, Brutus et Olive Oil, la jeune femme que se disputent Popeye et Brutus. Le problème, c'est que quand les premières épreuves du jeu sont présentées à King Features Syndicate, l'ayant droit met son veto. Il ne trouve pas les personnages suffisamment ressemblants et ça dessert l'image de Popeye. Il faut donc très rapidement que l'équipe de Nintendo pense à une solution de rechange et à ce moment-là, ils vont se diriger vers King Kong. Ils vont penser à King Kong qui va devenir Donkey Kong. Ils vont penser à la jeune fille en détresse, le personnage kidnappé par King Kong et qui est la jeune actrice dans le film de Shutsack et Cooper de 33. Et ils vont penser à un personnage qui sera son prince charmant qui essaiera d'aller la délivrer. Donc, à un premier triangle amoureux succède un second triangle amoureux et on voit que le jeu qui va être exploité en 1981 s'appelle Donkey Kong. Donc, c'est le méchant d'une certaine façon qui donne son son nom au jeu. Ce qui fait que Mario, au départ, ce n'est pas un personnage, c'est presque rien, c'est un anonyme. C'est en tout cas le petit véhicule, on en parlait hier, le petit avatar qui est dirigé par le joueur dans l'univers de jeu. Donc, une fois de plus, puisque vous faites allusion à l'épisode d'hier qui était consacré au cinéma et aux jeux vidéo et de la transposition du cinéma aux jeux vidéo, on s'est bien posé la question, pourquoi la BD ne connaît-elle pas le même succès de transfert? Parce que les personnages, justement, ils ne bougent pas comme au cinéma. Vous pensez que c'est ça, Alexis Blanchet? Alors, on retrouve bien le cinéma dans le cas Donkey Kong, et la BD, on va le retrouver sur la manière dont est composé cet avatar de Mario qui est créé en 1981. Si vous regardez ce petit avatar, c'est un petit personnage moustachu qui porte une casquette, qui semble porter un vêtement de travail, une salopette, et qui se déplace dans l'environnement. Il lui est possible de courir et de monter sur des échelles. Ce qui va définir l'apparence visuelle de Mario, ce sont des contraintes techniques. Mario, c'est pas un choix de directeur artistique qui dit « tiens, ce serait sympa de faire un petit personnage moustachu ». Non, non, c'est quelques pixels qu'il va falloir organiser pour donner à la fois la meilleure lisibilité au personnage et aussi lui inclure cette idée de mouvement. Hier, on disait que dans Pac-Man, il y avait l'idée de dévoration. Dans Mario, il y a l'idée de mouvement. C'est un personnage qui court et qui part à la rescousse. La moustache de Mario, elle ne doit sa justification qu'au fait que la moustache sépare bien le nez du menton. Si on enlève la moustache de Mario, on a un visage qui est assez peu lisible. La moustache donne une lisibilité à ce visage. La casquette, c'est simplement parce que les animateurs se sont dit que s'il avait les cheveux au vent, à ce moment-là, les cheveux devraient onduler pendant la course de Mario et que ça obligeait à créer des petits assets d'animation que la machine ne pouvait pas gérer ou plus difficilement gérer. Si Mario possède une salopette, c'est parce que la salopette crée un aplat de couleurs qui permet de bien voir le mouvement de la main sur l'aplat de couleurs. Parfait, et donc on comprend très bien comment cette somme de contraintes va créer Mario. Mais comment, cher Alexis Blanchet, Mario va-t-il devenir Super Mario? Alors, Mario devient Super Mario par cet accident heureux qui est que, d'une part, Donkey Kong est un succès, que malgré tout, l'avatar dirigé par le joueur en est le héros, et que les assets d'animation, c'est-à-dire toutes ces petites lignes de programme d'animation, existent chez Nintendo et vont être empruntées par différentes sous-équipes qui vont travailler pour des jeux à la fois pour l'arcade ou pour les premières consoles de jeux vidéo à multicartouche que propose Nintendo à partir de 1983. William Oduro, dans son Histoire de Mario, qui est une lecture que je recommande à vos auditeurs, explique très bien la manière dont on va emprunter Mario pour un petit personnage, par exemple, d'arbitre dans un jeu de boxe. On va emprunter Mario également comme un personnage d'arbitre dans un jeu de tennis, une simulation de tennis. Et donc, Mario, d'une certaine façon, a une espèce d'omniprésence dans la production Nintendo. Il apparaît sous la forme de caméos, de clins d'œil qui sont faits aux joueurs. Et puis, il va développer sa propre série, Mario Bros. En 1980. C'est un jeu à deux joueurs où apparaît le frère de Mario, Luigi. Et puis, avec les consoles de jeux vidéo domestiques, une vraie aventure, un jeu de plateforme avec 8 mondes et 4 niveaux par monde, c'est Super Mario Bros. L'expression Super Mario Bros, elle arrive à ce moment-là. Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est d'où vient le nom Mario aussi. Mario, il ne s'appelle pas Mario au départ, puisque c'est une sorte de non-personnage. Les studios de développement, et c'est Florent Gorge, un grand spécialiste de Nintendo, qui est un auteur français, nous dit que dans les studios de développement, on désigne Mario par le terme d'Osan. Osan, ça veut dire le type entre deux âges, le quadra, ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça dit d'où part Mario. Et puis, on va essayer de lui donner un nom. Miyamoto, un de ses créateurs, essaye de militer pour l'appellation Mister Video, mais ça marche pas vraiment. C'est finalement Jumpman qui est proposé lorsque le jeu traverse l'Atlantique et arrive aux États-Unis. On retrouve ce terme-là dans la documentation qui accompagne le jeu. Et l'histoire dit que les équipes de Nintendo of America décident de rebaptiser ce personnage Little Mario parce que physiquement, avec sa moustache et son air un peu bonhomme, il ressemble au propriétaire des locaux dans lequel la filiale américaine de Nintendo est installé aux États-Unis. Un certain Mario, donc. Qui est un certain Mario Segali. Et donc, le nom va être utilisé, va être employé dans la communication, va être adopté d'une certaine façon par Nintendo of Japan, la maison mère, du fait que Mario est un nom latin et que ça lui assure une audience internationale aussi et que ça peut être un bon choix. On a même une belle explication qui est donnée par un des collaborateurs de Miyamoto qui dit, Miyamoto m'a dit un jour qu'il aimait bien Mario parce que c'était le diminutif de marionnette et que ça voulait bien dire ce qu'était le personnage, c'est-à-dire cet avatar aux mains du joueur. Est-ce qu'on peut parler d'un personnage comme on a tenté de le faire hier autour de Lara Croft avec Super Mario? Ben, comme toujours, hein, c'est dans le jeu vidéo, on part toujours de ce véhicule pour le joueur qui est l'avatar, qui va permettre d'interagir dans l'espace du jeu. Et puis, il y a tout ce qui se passe dans le jeu et en dehors du jeu. Et en dehors du jeu, c'est dans un premier temps ce qu'on pourrait appeler les péritextes du jeu, c'est-à-dire les décorations des bornes d'arcade, les boîtiers des boîtes de jeu qui vont développer une image de Mario dessiné qui va accompagner la figuration du personnage à l'écran. Si je prends par exemple les gants de Mario, aujourd'hui quand on se figure Mario, on voit un Mario avec une paire de gants blancs typiques des personnages de cartoon, de dessins animés des années 50, Mickey les porte, Woody Woodpecker les porte également. Ces gants blancs, ils apparaissent dès 1983 sur les jaquettes des jeux Mario ou sur les habillages des bandes de jeu, mais si on regarde les graphismes des jeux, la peau de la main de Mario est de la même couleur que celle du visage. Et il va falloir en fait attendre 1991 pour que le petit avatar figuré à l'écran possède bien une paire de gants blancs, ce qu'il n'avait pas auparavant. Donc Mario, c'est une co-construction. C'est quelque chose qui circule entre les équipes de développement, qui circule entre le contenu des jeux et les péritextes des jeux. Boîtiers, notices, stickers. Parce que, évidemment, très rapidement, la popularité du personnage et le succès de vente des jeux, évidemment, va faire que Mario, particulièrement aux États-Unis, va devenir la mascotte de Nintendo. C'est-à-dire que pour représenter la marque, on utilise Mario, ce qui fait que le personnage, en 1990, dans une enquête de popularité qui s'appelle Q Ratings, qui est une enquête américaine menée depuis les années 50, le personnage de Mario est intégré dans cette enquête et on demande à des panels de consommateurs de dire quelle personnalité ou quel personnage ils reconnaissent. Dans cette enquête de 90, Super Mario est davantage reconnu que Mickey Mouse aux États-Unis par le panel de consommateurs américains qui est interrogé. Ce qui veut dire qu'en quelques années, un personnage issu d'une société japonaise a balayé le personnage emblématique des industries culturelles. Mais une fois de plus, ce personnage issu de l'industrie du jeu du Japon a été conçu pour être un produit mondialisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de caractéristiques japonaises, comme d'ailleurs les premiers héros, on en parlait hier, Alexis Blanchet. Il se mute progressivement en possibilité de connaître un succès international. Hein, le fait que Nintendo of Japan adopte le nom Mario, alors que ce n'était pas forcément ce qui était prévu au départ. Et puis, le succès des jeux permet au personnage d'avoir cette exploitation sur tous les territoires et devenir quasiment l'équivalent de ce qu'était Pac-Man en 1980, c'est-à-dire une nouvelle icône du jeu vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours à la mode, Super Mario, ou il a été dépassé ? Super Mario, il est presque aujourd'hui rentré dans un imaginaire collectif. C'est-à-dire que même les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo ou qui en ont un regard assez lointain, il y a de fortes chances à parier qu'ils connaissent Mario et qu'ils sachent le reconnaître. C'est dire que entre 1980 et sa naissance et aujourd'hui, le secteur du jeu vidéo s'est déployé comme un secteur qui, même si on n'est pas pratiquant de jeux vidéo, est connu et partagé par une partie assez large de la population. Et puis surtout, entre-temps, il a produit d'autres super-héros. Le jeu vidéo a produit d'autres super-héros ou d'autres héros ou d'autres personnages. Mario, ce qui est intéressant, c'est que sa simplicité graphique va plutôt à l'encontre d'une course au photoréalisme qui est celle du jeu vidéo, hein, depuis ses origines, de toujours se rapprocher de l'image photographique ou de l'image cinématographique au niveau du rendu esthétique. Mario, lui, reste un personnage assez cartoonesque. Je parlais de la bande dessinée tout à l'heure. Sur les proportions initiales du personnage, la tête occupe un tiers du corps, hein, donc on est vraiment sur des proportions de manga. C'est un personnage qui existe au cinéma puisque il a été adapté en 93 en film par Hollywood. Consécration donc. Une reconnaissance en tout cas. Je dirais pas consécration parce que c'est un petit film indépendant en fait. C'est pas un blockbuster ou un film qui a des ambitions particulières. Mais en tout cas, au 93, Hollywood reconnaît qu'un personnage de jeu vidéo peut être support à un succès ou à une tentative de succès cinématographique. Ce ne sera pas le film. Merci Alexis Blanchet. Demain, on se posera la bonne question, à savoir est-ce que le super-héros du jeu vidéo n'est pas plutôt l'anti-héros par définition ? À demain Alexis Blanchet. À demain. Thank you. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité aujourd'hui, Jean-Jacques Launier, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition « L'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française » au musée Art Ludique, que vous avez vous-même lancé, que vous dirigez d'ailleurs. L'exposition dure jusqu'en mars 2016. Alors, on va parler aussi bien des super-héros qui sont représentés dans cette exposition, du rapport de la bande dessinée et du cinéma dans le jeu vidéo, parce qu'il y a bien une transposition, comme nous l'expliquait Alexis Blanchet, et surtout il y a matière à voir comment on fabrique un super-héros dans le jeu vidéo. Et en cela, cette exposition est très intéressante parce que vous montrez les esquisses, les brouillons, toutes ces planches d'essai. Absolument. En tout cas, c'est vrai qu'elle est l'approche qu'on a qui est essentiellement artistique, qui montre les dessins, les peintures, les sculptures, voire les sculptures traditionnelles hein, en argile, est très interpellant parce que le public s'attend pas à voir ce côté finalement académique dans le jeu vidéo. On croit que l'ordinateur souvent remplace l'artiste. Or, au contraire, on voit qu'à la limite, l'ordinateur est un outil pour l'artiste, mais qu'il y a toute une démarche traditionnelle. Ce qui est intéressant dans cette démarche de héros, je dirais, parce que j'ai souvent qualifié le jeu vidéo de art total, puisqu'il fait appel au dessin, à la peinture, à l'écriture, à la musique, à l'interactivité. Ce qui est intéressant, c'est de dire que le héros dans un jeu vidéo, c'est soi-même, quoi. Et clairement, c'est ça qui est très nouveau, je pense, et c'est ça qui est intéressant. On interprète un personnage. Ça, on le dit depuis toujours, depuis l'invention du jeu vidéo, mais pour pouvoir être soi-même le super-héros, il nous faut justement des personnages qui correspondent à Monsieur Tout-le-Monde, à Monsieur le Joueur. Absolument, mais c'est vrai que de plus en plus, dans ce qu'on appelle l'interactivité, le gameplay, d'une certaine façon, et dans les jeux notamment de Quantic Dream, qu'on connaît bien, légendaire, Heavy Rain, etc., ou plus récemment Beyond Two Souls, dans lequel des acteurs hollywoodiens comme Willem Dafoe ou Ellen Page sont venus se faire modéliser à Paris pendant près d'un an, de façon récurrente, interpréter des rôles, et dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait? On déclenche les scènes qu'on a envie de leur faire jouer, c'est-à-dire qu'on devient le directeur d'acteur, mais on devient le scénariste, parce que plein de choix nous sont proposés, et d'une certaine façon, il n'y a pas que l'habileté maintenant dans le jeu vidéo, il y a aussi une réflexion, il y a aussi une logique, et dans ce jeu vidéo spécifique, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, mais il y a des fins différentes, il y a plein de fins différentes. Moi, j'y ai joué, j'avais des copains qui jouaient, je me dis, mais alors toi, tu joues avec le détective, ah non, moi, il s'est fait tuer, etc. Donc, c'est vraiment des mondes très nouveaux. Alors, comment choisir justement nos personnages? Parce que on interprète des personnages, certains existants, vous avez bien fait de parler des célébrités d'Hollywood, on peut parler des célébrités sportives d'ailleurs aussi, hein, mais il y a d'autres super-héros qui sont nés, j'allais dire, avec cette culture du jeu vidéo. Oui, alors dans la culture française, en tout cas, c'est vrai que pour bien connaître le jeu vidéo, je pense qu'il y en a beaucoup. De la même façon que le cinéma a fait naître ses icônes, quoi. Donc forcément, le jeu vidéo, à partir du moment où on s'y immerge, on peut se retrouver dans les héros de Assassin's Creed qui ont cette espèce de pouvoir de traverser le temps, mais aussi dans les lapins crétins qui sont des délires absolus. Et je pense que les icônes emblématiques sont aussi loufoques qu'elles peuvent être finalement aventurières. Donc c'est vrai que graphiquement, iconographiquement, le jeu vidéo est vraiment une matrice fondamentale pour l'univers du héros. Jean-Jacques Launier, cette exposition parle de l'inspiration française. Ça rappelle que les Français sont en pointe, hein, même s'ils ne travaillent pas que pour des sociétés françaises, mais qui sont à l'avant-garde du jeu vidéo, de cette industrie. Alors, ça rappelle plein de choses. D'abord, il n'y a que des studios français, donc on est clairement à l'avant-garde de l'industrie, comme on est à l'avant-garde de l'industrie de l'animation. Par exemple, on est troisième au monde en film d'animation. Et c'est vrai que c'est important aussi, on avait envie de rendre hommage aux artistes, aux créations françaises, à ce qu'on appelle les industries créatives françaises qui finalement sont très importantes et rayonnent finalement dans la planète. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, ça montre finalement l'art. Parce que nous, le musée Art Ludique, c'est vraiment cette dynamique artistique liée finalement à l'histoire de l'art, au 19e, à Gustave Doré, à Daumier, à tous ces grands illustrateurs et au studio italien de la Renaissance où plein d'artistes venaient déjà à l'époque se réunir pour travailler ensemble autour d'une grande œuvre. C'est la même chose aujourd'hui. Sauf que c'est pas l'église qui est derrière, c'est pas un roi, c'est le public. Et je pense qu'il y a une vraie synergie et que c'est important de montrer que les plus grands artistes d'aujourd'hui sont dans ces studios, font de la peinture, font du dessin, font de la sculpture. Et dans l'inspiration française, effectivement, à ce jeu-là, on est particulièrement représentatif. Dans le monde entier, vous voulez dire, ou vous parlez que des sociétés françaises? Non, dans le monde entier, la France vraiment est très brillante. Je parlais de l'animation, on est troisième au monde. Alors, et ce qui est intéressant, c'est de voir que on est troisième, ce qui est déjà pas mal, hein, et les deux premiers qui sont devant nous, dans l'animation comme dans le jeu vidéo, sont issus de culture du 19e aussi. C'est-à-dire, il y a les Japonais, forcément. Alors, avec le jeu vidéo japonais, et ça, je pense que vous le connaissez aussi bien que moi, mais c'est vrai qu'il a sa personnalité propre, et clairement, elle descend de Hiroshige, elle descend de la manga, elle descend de Hokusai, et c'est une évidence. On déroule un peu une histoire de l'art, on voit Tezuka, l'animation. Il y a le deuxième territoire, enfin, qui est le premier en termes de, c'est les Américains, évidemment. Alors là, c'est Windsor Mackay, c'est le 19e, c'est la création de l'animation, c'est les comics, et ça amène aux jeux vidéo contemporains. Et ce jeu vidéo américain, c'est un peu plus souvent que Call of Duty, GTA, voir les simulations de sport, c'est très américain d'une certaine façon. Et nous, les Français, on est troisième, alors derrière ces deux contrées, que ce soit en animation ou en jeu vidéo, mais troisième quand même au monde. Hein. Et c'est vrai que on s'aperçoit dans cette expo qu'on bénéficie d'un héritage culturel incroyable, sans arrogance et sans... Mais c'est vrai que Assassin's Creed, que ce soit, toutes les recherches que vous allez pouvoir voir dans le jeu, que ce soit des tout petits studios, que ce soit des grands studios plus puissants, il y a une espèce d'amour du dessin, de la peinture. On est allé interviewer tous les artistes et on dialogue avec eux dans cette exposition et c'est vraiment très impressionnant. Et c'est aussi la première industrie dans l'ère mondialisée. C'est-à-dire que lorsqu'on fabrique des super-héros, lorsqu'on fabrique un jeu vidéo, il est destiné au monde entier. Est-ce que cela change aussi notre rapport à l'art, à la consommation? Vous, Jean-Jacques Launier, vous insistez effectivement sur l'inspiration française, sur la position française, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de pays quand il s'agit de jeux vidéo ou de création de jeux vidéo ? Je parlais d'inspiration française, comme je parle d'une inspiration japonaise. Quand on voit le jeu récemment créé par Ghibli, jeu vidéo, forcément, l'inspiration japonaise, elle est partout, dans les images, dans les semblants, dans les ancêtres, dans la magie. Nous, on a aussi cette culture, comme les Américains l'ont. Et je pense que l'apanage des grands artistes contemporains, c'est de puiser dans ses racines propres et de le communiquer au monde entier, d'affranchir justement ses barrières en utilisant sa propre culture. Quels sont vos super-héros dans le jeu vidéo, Jean-Jacques Launier ? Alors, dans une autre vie, il se trouve que j'étais tellement passionné, mais j'ai toujours voulu créer un musée avant. Du coup, ayant fait des études artistiques, étant directeur artistique, j'ai créé une petite structure de communication qui travaillait précisément pour le jeu vidéo et j'ai eu la chance de lancer tous les jeux vidéo de Lara Croft notamment. Alors du coup, j'ai fréquenté Lara Croft pendant presque une dizaine d'années et c'est vrai que c'était quelque chose qui était fascinant et qui, je pense, qui est un petit peu, d'une certaine façon, de façon internationale, à l'origine de cet engouement du jeu vidéo. Faut-il vraiment s'identifier aux super-héros? Les super-héros, c'est un autre domaine. Comme vous le savez sans doute, le musée Art Ludique a fait la première grande expo consacrée aux super-héros Marvel il y a quelques temps déjà. Et c'est vrai que les super-héros, c'est très intéressant. Mais alors là, ils ont un contenu culturel vraiment intéressant. Ils sont finalement les héritiers contemporains de la mythologie, clairement. Des dieux de la mythologie grecque, des chevaliers de la table ronde. Et aujourd'hui, ces super-héros, que ce soit les super-héros Marvel, que ce soit les super-héros des jeux vidéo, c'est les contes et les gens d'aujourd'hui, clairement. C'est quoi un bon jeu vidéo et donc, du coup, c'est quoi un mauvais jeu vidéo pour vous, Jean-Jacques Launier ? Alors, on pourrait parler de livres, de tout. Hein. Je pense que, encore une fois, c'est comme la bande dessinée. C'est pas parce qu'on fait de la bande dessinée qu'on est un génie ou c'est pas parce que, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai que, alors, à titre personnel, il y a des choses qui me font voyager fabuleusement. Hein, et je trouve que le jeu vidéo... Moi, je suis un gamer en plus, vraiment passionné. Et je viens effectivement du dessin. J'ai fait des études de dessin, etc. Je trouve que c'est une immersion absolue, fabuleuse et féerique. Le jeu vidéo, à l'instar de la littérature, vous offre toutes les possibilités. Et qu'on décide d'aller dans la magie, la science-fiction, le thriller, la poésie, il y a des voyages incroyables, complètement oniriques. Il se trouve que je préside la commission du CNC pour le Fonds de soutien d'aide aux jeux vidéo. Donc je vois tous les studios français développer des voyages oniriques où juste le but est d'être zen et d'apprécier le décor dans lequel on voyage. Enfin, le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose de novateur et je crois que c'est vraiment bien de s'y intéresser parce que c'est pas l'image qu'on s'en fait. C'est quoi un mauvais jeu vidéo alors? Ben y en a, non ? Ouais, non, il y en a. C'est comme disait Nietzsche, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu dis, c'est qui es-tu pour le dire, quoi. En fonction de quoi, qui va décider ça c'est un mauvais ou ça c'est pas bien. Techniquement, on peut toujours dire ça c'est vraiment catastrophique, ça vaut pas son argent. Après, pour la bande dessinée, pour le cinéma, il y a aussi bien des critiques, il y a le résultat du box-office, il y a des éléments qui nous permettent de dire. Oui, mais de la même façon, donc le box-office réussi est souvent critiqué par l'intelligentsia, on s'en sort pas, quoi. C'est, c'est la même chose pour le jeu vidéo. Vous voulez dire que les jeux les plus pourris sont ceux qui sont le plus populaires non, aujourd'hui? Non. Je pense qu'il y a. Non, je pense que je suis moi assez content parce qu'on a vraiment un vrai soutien culturel important sur ce jeu vidéo, sur cette expo du jeu vidéo. Assassin's Creed, par exemple, encore une fois, est un jeu ultra populaire, ultra grand public, et néanmoins, c'est vrai que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec des médias et des journalistes, et clairement, la dimension artistique, elle est majeure. Et nous, c'est notre propos au musée. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, parce que les interviews qu'on en a au musée de ces artistes-là qui deviennent finalement représentatifs pour les jeunes. Quand ils parlent de la peinture espagnole, quand ils parlent de Turner, etc., c'est ça, je pense, qui est important. Bien sûr, les mecs se battent à l'épée, à la cape et à l'épée, ils le faisaient depuis que le cinéma est inventé. Mais je pense que c'est important d'essayer d'entraîner les jeunes et de leur montrer que ce qu'ils aiment, c'est de l'art. Il y a suffisamment de façons aujourd'hui dans l'art contemporain de faire une rupture avec la jeunesse. Je pense que ça, c'est vraiment une main tendue. Avec la différence, Jean-Jacques Launay, on sait qui a écrit tel livre, qui a peint telle toile, qui a fait tel film. Et pour le jeu vidéo, les artistes que vous voulez défendre à travers cette exposition, l'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française, ces artistes n'existent pas. Ce sont leurs studios qui sont connus. Alors, ce sont des studios, mais c'est vrai que je vous dirais, alors vous allez parler de super-héros toute la semaine, je suppose que vous connaissez le nom du créateur de Superman, mais il est totalement inconnu, quoi. Je veux dire, Joe Shuster, qui s'est fait piller son art par tous les artistes contemporains d'aujourd'hui, il est temps qu'on rende hommage, et effectivement, la démarche du Musée Arlésien, c'est de rendre hommage à ces artistes. Donc, c'est vrai que ces studios emploient des gens qui se révèlent au fur et à mesure. Michel Ancel est très connu parce que c'est le créateur de Rayman, des Lapins Crétins. Alors, il y en a des plus ou moins connus, il y a des gens qui vont faire du dessin, il y a des gens qui vont faire du storyboard. C'est une collaboration artistique, en fait. C'est un studio, et c'est ça qui est génial. Je pense que il n'y a pas un créateur qui dirige toute cette équipe. Il y a souvent des créateurs, il y a des directeurs artistiques, ouais. Il y a des concepteurs, il y a une vraie équipe. Encore une fois, je dis souvent, c'est pas vraiment impensif. C'est vrai que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'outil est le même entre les scientifiques et les artistes. Et c'est très important parce que ça permet aux artistes de bénéficier d'une nouvelle technologie. De leur ouvrir des perspectives incroyables. Donc forcément, ça génère une équipe. Mais encore une fois, quand on se souvient, je parlais de la Renaissance, quand on se souvient de Vinci qui était autant passionné par la science que par l'art, je pense, à mon avis, qu'aujourd'hui, il serait dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que vous dites, justement, dans le très beau catalogue qui accompagne cette exposition, la rencontre des scientifiques et des artistes avec le jeu vidéo se fait tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition pour terminer, Jean-Jacques Launay? On voit plus de 800 œuvres. Il y a plein de choses incroyables. On comprend qu'en effet, les lapins crétins sont nés de la pointe d'un crayon sur un bout de croquis, et on voit aussi quand je parlais de Assassin's Creed, que finalement quand tout Paris a été recréé pendant la Révolution, puisque pour le jeu précédent tout Paris a été recréé pendant la Révolution à l'échelle 1 par l'éditeur de jeu, on a construit un mur de 7 mètres de large et de 4 mètres de haut à 190 degrés, et on a mis une caméra à l'intérieur de ce jeu pour reprojeter Paris à l'échelle 1 pendant la Révolution. Ça veut dire qu'on s'offre une balade de 7 minutes, et je parlais de remonter le temps, de pouvoir avoir des nouvelles sensations. Je pense que le jeu vidéo a ce pouvoir-là. C'est au musée Art Ludique à Paris jusqu'en mars 2016. L'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française. Merci Jean-Jacques Launay d'être passé ce matin. Merci à vous. Notre semaine consacrée aux super-héros dans le jeu vidéo continue. Demain, troisième partie avec notre tête chercheuse de la semaine, Alexis Blanchet. Merci d'être sur France Culture de bon matin. Bonne semaine de fête. Bonne fête, au fait. Jean-Jacques Launay. Bonne fête à vous, meilleurs vœux. Merci.